Bienvenue à une autre édition de Web Musique, la seule émission à vous offrir de la musique en téléchargement gratuit. Donc, c'est assez facile. Je vous explique pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission. Vous écoutez, si vous trouvez des pièces intéressantes, bien, vous vous rendez sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez sur le blog, vous allez retrouver la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir télécharger les pièces entendues pendant l'émission. Vous pouvez également télécharger la balado diffusion. Puis j'ai différents liens qui ont attrait au monde du net audio. Donc une bonne ressource pour la musique gratuite. Cette semaine, je vais débuter tout de suite avec mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi la pièce, je vais vous dire ça tout de suite après. Donc, on débute Web Music avec une pièce inconnue pour l'instant. Enough of that medium, chili cheese fries and some Mr. Pibb. I need tacos with a nasty dip. Pico de gallo, mayo or dryo. Hot sauce or barbecue straight from Ohio. Homemade coleslaw, fuck Boston Market. Junkie blue cheese range into five-star bread. Only one hummus and pita, mozzarella feta. Fat-ass burrito, mamacita. I enjoy each and every calorie, more than any gallery. Worst thing you have in food allergy. Valeria chicken got me finger licking. Teriyaki sticks with the grits. Tricks up for kids and get our schnitzel bricks for breakfast or lunch, cause I always crunchy munchy. You can punch me in the stomach cause it's never really aching. After waking up, gotta have my eggs and bacon. Laptop lunch rolls through with the classic TV dinner. Watching food channel sides is always a winner. I'm a real cheap rex when I see a T-bone. Honey track it bees home, hungry like a payphone. My brain's all gummy, ah, oh, this looks yummy. Mommy gonna get me some spaghetti in me tummy. Good appetite, love all the meat I eat. No need for critique, cause it feeds my physique. Stuff it down my throat, mwah, smack it like a goat. Seven up like a cold, slurp that root beer flow. Oh, yeah, and you don't quit. I told you I'll smile like a kid when I'm done double dead. Track your birthday likes to eat. Yeah, let me go ahead and get my thing. I want my Kool-Aid at. Damn, get my Kool-Aid. Oh, yeah, one more thing. To the makers of Kool-Aid, would you niggas stop putting the juice all the way to the top? Cause when I twist the motherfucking cap, I'll put it, the shit explodes like a goddamn grenade. Then I got blue juice all over my white carpet. Look, man, I appreciate you trying to give me as much juice for the value. But look, put the juice to look. Look at this shit. See how the juice is all at the top. You see, put the juice down here so when I open it, it don't spill anywhere, okay? Trust me, I ain't gonna miss it. You know, these motherfuckers cost like $5 for a dollar, okay? Thank you. Anyway, y'all know, Shot City, man. Do your thing, get your whip game proper, get the crib together. And remember, get money, get paid. All right, I'm out. Wind and fire, banana and papaya. Window I can mouse point to Oscar Mayer. I said motherfuckers hiking, mountain biking. Cause I own the streets like a techno Viking. And before you realize I release more awkward hits, sooner or later we all saw Cindy Crawford's tits. Tracky's like my grandma. Tracky's like yo, yo, yo. Tracky's like my grandma. Yo, yo, yo, yo, Kraut. To all the hip-hop Nazis out there. C'était une pièce de Tracky Birdy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de la pièce, il chante la bouche pleine. Donc, chapeau, un artiste quand même assez pété. C'est une pièce publiée sous une licence extrêmement restrictive. Il s'agit des Copyright Plus. Juste à la faire passer et vous en parler, ben, je me soumets à... Je vais avoir des amendes épouvantables. Je peux même avoir, si j'avais un bébé, je pourrais même être brûlé sur la pièce, sur la place publique. Donc, une des licences les plus restrictives qu'il n'y a pas, c'est interdit de parler de la musique, de la fredonner, de la siffler. Donc, contrairement à ce que je vous fais passer d'habitude de musique sous licence Creative Commons, donc, vous avez entendu une pièce sous licence Copyright Plus. Donc, vous êtes vous aussi dans le trouble d'avoir écouté cette pièce-là. La pièce s'appelle Cheese Burglar. C'est tiré de son album New Album. Donc, allez voir la page, de Tracky Birdy. Espèce d'art internet, toutes sortes de trucs vraiment tordants sur sa page. Ça vaut vraiment la peine d'aller visiter et découvrir cet artiste. On avait ouvert Web Music avec Mo Junkie, un artiste qui nous vient du Portugal. C'était publié sur Marvelous Tone, donc c'était la pièce Anymore. On avait débuté donc l'émission avec ça. Pour poursuivre, je vous offre deux pièces sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. C'est leur donc les deux derniers albums publiés sur l'étiquette. On veut entendre tout d'abord Anitech avec la pièce Mind Growth. Tout de suite après, c'est Defader avec la pièce Blake. Thank you. C'était une excellente pièce de Defeater. La pièce s'appelle Bleak. Donc, avant ça, c'était Anitech avec sa pièce Mind Growth. Deux artistes qui ont publié récemment sur le net label Dusted Wax Kingdom. Je vais poursuivre l'émission avec un artiste du nom de Crown. Je vous fais entendre la pièce Red Particle. Vous irez voir sur le blog de l'émission, je vous ai mis la vidéo de la pièce. Une animation donc assez intéressante. Allez voir ça, ça vaut la peine. Ensuite de ça, tout de suite après Crown, je vous fais entendre Kemonoid. Je vous fais entendre la pièce Afraid of Diamond. Vous allez voir, vraiment excellent. Thank you. C'était une pièce de Commonoid avec la pièce Afraid of Diamond. C'était précédé par Crown, la pièce Red Particle. On fait une courte pause, puis on revient tout de suite après pour la suite de Web Music. Enfin, ma princesse! Qu'est-ce qu'elle est belle! Reviens à toi, mon amour. Mon amour? Princesse? Princesse! Allez, réveille-toi! Quand un enfant ne lit pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation. Je tournais en rond. Je pensais à changer de programme, mais j'avais peur de me tromper. Puis là, j'ai décidé de prendre une pause de mes études. J'ai fait Katimavik, la meilleure décision de ma vie. 6 mois loin de chez moi, à explorer, à travailler, à relever des défis et enfin découvrir ce qui me branche. Là, je suis de retour aux études, plus motivé que jamais. Il reste des places pour janvier 2012. Découvre qui tu es. Visite katimavik.org. KATIMAVIK.org. Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. De retour à Web Music, donc on va poursuivre avec un artiste du nom de Chronotpimism. C'est la pièce Dent. C'est publié sur l'excellent label Bake the Break. Pour l'instant, ils ont seulement 2 compilations, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, allez faire un tour sur Bake the Break. Ensuite de ça, sur Deep in Dub, une excellente étiquette italienne. Donc, je vais vous faire entendre une pièce de Gennaro Molino, mais je ne sais pas encore c'est quoi le titre. Je vais essayer de vous trouver ça pendant la pièce. Donc, ben, c'est ça, on écoute Chronotpimism avec la pièce Dent. We'll be right back. Thank you. la ville de Napoli en Italie. Il s'agit de Gennaro Molino, aussi connu sous le nom de Dub Demo. C'était sa pièce Crater, publiée sur son excellent album Dubland, donc publié sur Deep in Dub, un album que je vous recommande à télécharger, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, c'était Chronot Pumism, c'était avec sa pièce Dent, c'était publié sur Bake the Break. Donc, pour la suite de Web Music, je vais vous proposer un artiste de la Belgique. Il s'agit de Kingstox. Je vous fais entendre sa pièce B01.03. C'est publié sur Planet Terror. Ensuite de ça, publié sur Cologne Commons. Donc, c'est une étiquette de la ville de Cologne en Allemagne. Se spécialise donc dans la production d'événements qui ont trait au net audio. Ils ont plusieurs compilations, je crois, qui sont rendues à 7 ou 8 compilations. Donc ça c'est tiré de la compilation Cologne Commons One. C'est une pièce de 4 tracks, donc la pièce s'appelle Bang Lassie. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc on écoute tout de suite Kingstox à Web Music. Pièce à saveur tropicale. Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle un peu les 12 travaux d'Astérix sur l'île du plaisir. C'était l'artiste allemand Fourtrack avec sa pièce Bang Lassie. C'était publié sur Cologne Commons, donc comme je vous disais tantôt, un collectif de la ville de Cologne qui se spécialise dans la production d'événements net audio. Avant ça, c'était King Stocks, un artiste de la Belgique. C'était sa pièce B01.03, publiée sur Planet Terror Records, un excellent net label qui se spécialise musique électronique, drum and bass, un petit peu de dubstep. Donc, Planet Terror, un net label assez intéressant. Je vous invite à aller faire un petit tour de leur côté. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.ca. Donc, vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. On va se laisser sur une pièce de Pierre, un artiste qui maintenant se nomme Spectateur. C'est un artiste qui vient de la ville de Angers en France. C'est sa pièce Parapluie en papier. C'est publié sur l'excellent netlabel Fresh Pulp Records. Donc, je fais souvent passer des pièces qui proviennent de ce netlabel-là. Donc, une pièce vraiment excellente pour se quitter. Tout de suite après, ça va peut-être être Guy Tremblay avec son émission Beau temps, mauvais temps. Il n'est pas encore arrivé en studio, donc j'imagine que tu es en train de brûler des lumières rouges pour s'en venir. Donc, ben peut-être il sera là tout de suite après Web Music. Donc, c'est ça, on se quitte sur une pièce de Pierre. La pièce s'appelle Parapluie en papier. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. Thank you. les 12 jours de Noël de Tania dans Change de disque. Courez la chance de gagner un cadeau par jour pendant 12 jours. Membre de CKRL, soyez attentifs entre 15h30 et 17h30 en semaine. Un concours qui fait rapapapam. CKRL 89.1. Aide aux proches des personnes souffrantes de dépendance ou à l'entourage des personnes judiciarisées. Discussions, témoignages avec Élisette Amour et l'équipe du Centre Le Passage. Ne manquez pas l'émission Zone.